On débute ce journal avec un mot de la météo de ce jeudi 20 décembre. Nouvelle matinée nuageuse, voire très nuageuse sur la région et parfois encore des averses avec un vent modéré ou assez fort côté rivage et des minimales comprises entre 5 et 9 degrés. Dans l'après-midi, de moins en moins d'averses, puis l'arrivée de nuages par l'ouest suivi de pluie dès ce soir, puis partout dans la nuit, un vent toujours modéré assez fort et des hausses des maximales autour de 13 degrés. Demain vendredi, pluie dans la matinée et à l'ouest dans l'après-midi avec un mercure entre 11 et 14 degrés. Et pour le week-end, samedi de 9 à 12 degrés, un temps sec, puis ce sera de la pluie et des éclaircies jusqu'à Noël avec des températures en petite baisse. En avril 2016, la région Normandie et l'État ont contractualisé un accord permettant le transfert à la région de 5 lignes intercités normandes au 1er janvier 2020. À la suite de cet accord, qualifié d'historique par Hervé Morin, le président de la région Normandie, 40 nouveaux trains ont été commandés auprès du constructeur Bombardier afin de circuler notamment sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre. Dans la continuité de cet ambitieux projet, c'est en République tchèque sur la base d'essai de Velim que se sont rendus ce mercredi Hervé Morin et Jean-Baptiste Gastine, vice-président de la région en charge des transports. Les élus normands ont ainsi pu tester l'un des prototypes Omneo Premium Normandie qui peuvent circuler jusqu'à 200 km/h. Un test grandeur nature sur le grand anneau du centre d'essai de Velim à côté de Prague où ces trains à deux étages qui comprendront 430 places par rame avec un confort comparable à celui des Corail ou TGV sont actuellement en phase de développement avant leur commercialisation. Les rames sont fabriquées par Bombardier sur le site de Crépin près de Valenciennes dans les Hauts-de-France. Toute une série de tests de ce nouveau matériel roulant est programmée jusqu'à la livraison d'ici un an. La maintenance des nouveaux trains normands sera assurée à Sotteville-lès-Rouen en Seine-Maritime pour un investissement d'une centaine de millions d'euros et la création d'une centaine d'emplois. Ce plan Normandie Train 2020 est d'un montant de 1,4 milliard d'euros répartis entre l'État et la région Normandie. Il comprend la livraison des 40 nouveaux trains Omneo Premium, l'adaptation des infrastructures et des quais, la réalisation de travaux pour rénover les voies les plus vétustes, la construction d'un centre de maintenance et la normandisation de la gare Saint-Lazare avec l'installation d'un portillon de contrôle. Si les points de blocage sont de moins en moins nombreux partout en Normandie, certains subsistent, particulièrement en Seine-Maritime. D'autres ont été évacués par les forces de l'ordre, comme à Vernon ce mercredi matin. À Rouen, les gilets jaunes ont bloqué hier matin l'entrée du marché d'intérêt national avenue du commandant Bicheret. Aucun problème de circulation n'était pour autant à déplorer. À Saint-Étienne-du-Rouvray, le rond-point des vaches était toujours jaune, comme depuis le début du mouvement. Dans l'heure, hier matin, les forces de l'ordre étaient donc déployées au rond-point de Gaillon pour démanteler le camp près d'Auchan. Des tractopelles détruisaient les cabanes. Le rond-point de Fleury-sur-Andelle était également concerné par un démantèlement. La circulation était par conséquent rendue impossible. Tout est rentré dans l'ordre dans l'après-midi. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général. Denis Manechet a été condamné ce mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de l'Eure pour l'assassinat de sa fille, qui était aussi son ex-compagne, Virginie Manechet, et le meurtre de son employeur Frédéric Pillard, commis en récidive à Gisors le 7 octobre 2014. Âgé de 56 ans, il comparaissait devant la cour d'assises de l'Eure pour récidive d'assassinat et de meurtre suivi d'un autre crime depuis 3 semaines. Pour les jurés, l'homicide était bien prémédité, contrairement à la mort de Frédéric Pierre, qui a eu le malheur de se trouver dans le garage à ce moment-là. Le 7 octobre 2014, vers 19h, à l'heure de baisser le rideau, l'ancien informaticien Denis Manechet entre dans le garage Tenzo Auto, situé dans la zone industrielle de Gisors. Armé d'un pistolet, il abat le patron du garage, Frédéric Pierre, père de famille âgé de 31 ans, puis sa fille Virginie, âgée de 34 ans, qui travaille là depuis un an. Les deux victimes abattues, Denis Manechet tente de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête. Il restera dans le coma pendant plusieurs mois avant d'en sortir avec de très lourdes séquelles. Il est désormais paraplégique et muet. Durant le procès, il a répondu aux questions soit par un signe de la main, soit avec une tablette tactile, les réponses s'affichant sur des écrans. C'est avec le quartier de Navarre que les réunions annuelles de la municipalité d'Évreux se sont terminées. Avec beaucoup de fierté et de soulagement, Guy Lefranc, le maire, a enfin pu annoncer aux habitants venus en masse l'achat officiel des usines de Navarre pour un montant de 150 000 euros TTC. La bataille a été longue, mais le peuple de Navarre a gagné. Nous allons enfin pouvoir en priorité sécuriser ce site. Ensuite viendra la dépollution avant de réfléchir ensemble à la transformation des lieux. C'est ce qu'il a dévoilé. Nous avons une proposition pour en faire un village d'artisans, mais cela reste à discuter. Mais avant cette annonce phare qu'il a gardée au chaud pour la fin, les Il est revenu sur les travaux réalisés en 2018, notamment pour la sécurité. Il y a 5 caméras et nous en ajouterons une autre d'ici à la fin d'année 2018. C'est ce qu'a promis Guy Lefranc. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retour de la musique. Merci de votre fidélité. Très belle fin de nuit, très belle journée sur Cristal. La première hit radio en or.

In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.

les matins. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. Thank you. C'est déjà jeudi, les vacances c'est demain soir et pour ceux qui en ont pas, c'est le week-end. On va bientôt ouvrir les cadeaux, mais il reste encore deux grosses journées de travail. C'est vrai, bon courage à vous si vous bossez déjà depuis cette nuit. Bon courage aussi sur les routes, vous êtes nombreux à faire pas mal de kilomètres tous les jours. Où que vous soyez en Normandie, on se réveille ensemble sur Cristal. Bientôt 6h, l'actu et votre météo dans les prochaines minutes. On s'écoutera aussi le tout nouveau Sia, I'm Still Here. Mais d'abord, je vous laisse avec Alexandra pour l'horoscope. Salut Alex. Bonjour à tous, bon jeudi, l'horoscope et les béliers ce 20 décembre. Vous ne voyez pas les prochains jours comme la fin d'une année, mais ce sera le commencement de toute chose. Taureau, vous aurez envie de sortir des sentiers battus, découvrir d'autres contrées. Réalisez vos rêves et vos projets en cette fin 2018, amis Gémeaux. C'est le moment de foncer. Vous n'avez peur de rien, les cancers, c'est décidé. Vous parlerez à cette personne qui vous fait de l'œil depuis un petit moment. Les célibataires, les lions, attention aux déceptions car les astres ne favoriseront pas la clarté de vos jugements. Vous virevolterez, amis vierges, jonglant avec vos projets. Vous aurez envie de dépasser vos limites. Balance, impossible d'être tranquille. Vos proches ne cesseront de se mêler de votre vie privée en ces temps de fête. Scorpion, c'est une journée agréable. Mieux, les belles vacances qui s'annoncent seront propices aux nouvelles rencontres. Sagittaire, bientôt l'hiver, fatigué, vous aurez envie de vous lever sur votre canapé devant un film ou vous coucher tôt. Voilà, vous serez ainsi fin prêt pour le réveillon. Apparemment, les Capricornes, vous êtes prêts à abattre des montagnes. Rien ne peut vous arrêter. Verseau, vous serez enthousiaste, même si rien n'est prêt. Pour le 24 décembre, vous serez rempli d'optimisme. Poisson, la fin d'année et la fin des soucis. Vous saurez enlever cette épine dans le pied qui vous empêche d'avancer. Excellente journée à tous. Lost you, dreaded we.